Yeah, ok. J'ai venu te montrer que je suis kické. Tracage, j'enchaîne, dès que je ramène mes équipiers, je vois Kika balance raide. Piston qui fait déprimer, faut que je m'arrache en fait. De ma biche, je dois profiter avant que j'attrape le cancer. Titanic m'a traumatisé, je fais pas de sale, sale en mer. Ce qui me ferait, voilà plus kiffer d'être à la plaie. Y'a en def, puis du cash en est limité, ne plus train là. Ce 40 déchets, c'est peut-être d'articuler, on dirait que tu vas pas l'envers. Je prends de la vitesse, je dois pas arrêter comme Mad Max en pièce. Sur ma queue, j'en ai martiré, je suis en pas grave sans sexe. Si j'ai envie de me bousiller, je prends une Jack Dan en verse. Quand j'entends comment vous rappez, j'étais sarcasme en tête, la nostalgie, ouais les belles années qu'on faisait des sales tags en stretch. Cauchemardi, j'ai pas t'expliquer, mais chaque soir je gamberge. Je fais plus rien, ouais de mes journées, je reste à la casse, je m'enferme. Mais si d'un truc fallait la péter, j'ai fait un carnage en vrai. Quand je pose, voilà une mystique, je fais des saccages sans sèche. Je suis poli et très bien élevé, c'est pour ça que ta maman m'aime. Ouais, t'inquiète, on va esquiver les attaques en traite. Pour le moment, j'avais qu'y penser, je suis grave mal, j'encaisse. Faut que je trouve des liquidités, j'ai un chacal en perte. Quand je vois le prix de vos CD, c'est une arnaque en clair. Sur mon crew, tu peux parler, faire un sale tas d'enquête, rien à foutre, t'as pas kiffé, moi j'suis un bâtard, j't'emmerde. Ça c'est pour, ça c'est pour. C'est pour qui? Mars malade, blanc bec, STAP à la prod. Yo, c'est quoi? C'est un carnage en fait. FVL, FVL au mic, traquage enchaîne. Quoi? Quoi? Quoi? Yeah. Traquage enchaîne.